Juste avec le piano. Piano avec les chœurs. Love, I hope we get on. I hope we can find a way of singing on. Love, I hope we can be. Love, I hope we grow up. Cassé la voix. Thank you for the drum. Thank you for the guitar. Thank you for the solo of Titi. Oh, c'est pas mal ça. Next. C'est combien ça? 1600 BPM.